À l'occasion du 25e anniversaire de la promotion du dirigeant Kim Jong-il au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée et du 99e anniversaire de naissance de Madame Kim Jong-soo, héroïne anti-japonaise, les spectacles artistiques ont été donnés au théâtre de la capitale et des provinces. L'opéra révolutionnaire « Je vois déjà la victoire de la révolution » donnée par la troupe d'opéra Pibada au Grand Théâtre de Pyongyang et au Théâtre dramatique d'Étain, la pièce de théâtre « Lien du sang » qui montre l'effort des producteurs du ciment de Sangwon qui ont fini par atteindre l'objectif élevé de la production par la priorité donnée à la science et à la technique. On a assisté aussi au spectacle d'ensemble et au spectacle de prestidigitation joué par le Cirque national au Cirque de Pyongyang et au Théâtre de prestidigitation. Les spectacles ont été donnés aussi dans les provinces du Pyongan du Nord, du Fangé du Sud et du Nord, du Hamgyong du Sud, du Yangon et autres.